Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Alors, vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, au choix musical, et Marc Chaunet à l'animation. Alors, cette édition du 2 février 2013 a débuté avec le groupe finlandais Idria Space Folk, tiré de leur plus récent album, un des bons disques de 2012, Astronautica, avec une bonne production. C'était la pièce Sirenus. Et c'est très dynamique. On voit que c'est un space rock là. Si vous avez aimé cette pièce, on a déjà fait jouer aussi d'autres. C'est excellent. On va poursuivre donc le choix musical intéressant de ce soir avec plusieurs nouveautés de la dernière année, les meilleurs moments. Et plein de bons progressifs. On va y aller avec IO Earth, tiré de Moments, leur deuxième album, la pièce Live Your Life Part 2. Et ce sera suivi de Habitat et de leur album, plus récent album, Tratando de respirar en la furia. Et ça sera la pièce, donc, Detenido por el viento. Alors, on y va en musique. to me. Please come back to me. My soul is pure and untouched. Pretendiendo avanzar. Una vez Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibels. Restaurant L'Athéna, situé au 2980 1ère Avenue à Limoilou, vous offre un service de livraison jusqu'à 5h30 du matin pour combler votre appétit de fin de soirée. Goûtez à une de nos pizzas parmi un vaste choix, à nos club sandwich comme le club Athéna au poulet et gyros, ou bien notre poulet frit tout à fait craquant. Restaurant L'Athéna, 418-525-5509, livraison gratuite jusqu'à 5h30 du matin, payable avec Interac. Restaurant L'Athéna, pour combler votre appétit de fin de soirée. 2980, 1ère Avenue à Limoilou. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Les productions La Petite Pomme présentent David Myers Plays Genesis, le 13 février prochain au Centre d'art La Chapelle. David Myers réarrange et interprète au piano les compositions du groupe Genesis. Laissez-vous emporter par le piano, les projections vidéo et les éclairages conceptuels. David Myers, au Centre d'art La Chapelle, 620 Avenue Plante, le 13 février à 20h. Billets en vente sur le réseau Billettech ou à la billetterie du Centre d'art La Chapelle au 418-686-5032. Informations sur centredartlachapelle.com. J'aime faire du parachute. Et pendant la chute libre, je profite du moment pour m'ouvrir une bonne barberie. Barberie! La Barberie, une bière qui descend bien. Alors, de retour avec Bruno et Marc, et ce qu'on a entendu juste avant les pauses, c'est donc le groupe Habitat, c'est un groupe de l'Argentine, leur plus récent album Tratando de respirar en la furia, et c'est leur quatrième album depuis 1998. C'est un excellent disque, franchement, celui-là c'est leur meilleur, sans contredit. On espère que le prochain sera encore de la même qualité. Et c'est paru sur Lizard, l'étiquette Lizard. Juste avant, il y avait eu Io Earth de l'Angleterre, tiré de leur plus récent album Moments. Live Your Life Part 2 était la pièce. On poursuit avec un groupe de la Suède, Bright Eye Bryson, tiré de l'excellent Believers and Deceivers. Ça, c'est vraiment un grand disque de rock progressif suédois. C'est paru en 2008 sur Progress Records. C'est quatre pièces. Il y a des longues pièces à développement. Là, ça sera une pièce, évidemment, une pièce à développement de Harvest. Une belle longue pièce que Bruno nous a préparée. Ça faisait longtemps que j'avais écouté cet album-là, alors je suis très content qu'on écoute ça ce soir. Et on va poursuivre avec le groupe américain Glass, tiré de Spectrum Principle, la pièce Quest. Alors, ça se poursuit sur les ondes de CKRL. On voulait aussi vous parler, vous en avez entendu parler, mais passez pas à côté de la chance d'aller voir la 9e convention Terra Incognita, les 18 et 19 mai prochains au Centre d'art La Chapelle. Le 18, il y a Fido des États-Unis, Fido Xavier, donc de son nom. Il y a RPVL de l'Allemagne et de T-Club des États-Unis. Et le 19, il y aura Edo de Québec, Il Castello di Atlante de l'Italie et The Flower Kings de la Suède. Alors, toutes deux superbes journées de rock progressif. Il reste encore quelques billets et ne manquez pas ça. Alors, on y va tout de suite donc avec Bright Eye Bryson. It seems like all have disappeared in distant past. They could not last. Now those fading memories are blown away on the morning breeze and wither to dust. My mind's a maze of secrets lost, reluctant still to face the cost. No doubt you will send me the bill. Like standing on a mountain top, I'm so afraid to make the drop and not turn away. We will start with the treatment of your shame. Casting all your fears aside, for sure your ego will collide with demons and ghosts. I'm sure soon the work is done. It's time to make another run. We're digging deep. No matter if I'm awake or fast asleep. Lay down on the bed. Rest your the harvest. Here it comes. There come the farmers. The farmers. Each and every one.

soli umidi sotto pesanti tendaggi brulicanti di ricami occhi come aloni purpurei sguardi di ferro battuto su vetrate primo novecento. Pensiero solenne per decenni addormentato tra queste mura che rivelano, ritraggono qualcosa. We'll be right back.

pochi passi ancora, reminiscenze intatte, velate da stridenti geometrie. Yeah. brividi, sai com'è ritratto è nello sciupio di cornici, lì dove si poteva capire tutto il celato, un principio svelato. Sorvolando ricordi decenni fermi su orologi a pendolo, lì dove la cornice più vera, la più reale, non racchiudeva una teta.

un extrait de la pièce Atonement. Et juste avant, il y avait eu la longue suite italienne avec Floating State et Suite dall'Inconscio dall'Assassino. Donc, c'est un extrait de Giallo, One Suite for the Murderer. On va terminer l'émission avec trois pièces pour le dernier bloc musical. On y va d'abord avec Sky Architect, leur second album et plus récent, A Dying Man's Hymn, et c'est ce sera la pièce Woodcutter's Vial. C'est un extrait, en fait, c'est un album où il y a trois grandes pièces, et sur chacune de ces pièces, il y a trois parties. C'est une des parties de la seconde pièce, donc, de cet album. Très bon, en passant. Ils font encore des spectacles en Belgique pour la convention organisée par le magazine Progressiste. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est des Belges, et dans la plus récente édition donc du magazine, on parle de plusieurs stations de radio à travers le monde, dans la francophonie, dont Terra Incognita. Et il y a un lien vers notre site. Alors, c'est... Il y a du rayonnement dans le rock progressif à travers le monde. C'est le fun. Donc, il y aura d'abord Sky Architect, ensuite Abyss de Québec. C'est ce qui est devenu après le groupe qui s'appelle actuellement Shatters. Une pièce donc de cet album, Plane Shift. Ensuite, il y aura une dernière pièce d'italien, New Goblin, tiré de Life in Roma. Un de mes albums que j'ai bien aimé en 2012. La pièce Goblin, c'est un beau retour pour ce groupe italien des années 70, et ça terminera cet dernier bloc. Allons-y d'abord avec Sky Architect. Shivers from these thoughts, experiences overwhelming. Stop and let me hold her. I want to taste this wood, I want to taste her. up in the sky. But where do I go? Let me find a place that no one knows. Cut myself in an open wound. Never knew how much I would experience the thrill of this one thing. And I will let the street come down. They never lie, so help me now. Help me fly away from here. This daunting hunt is drawing near. Traces of what once was kept me back on the ground. Blood spilled on the axe. Remember me. So pretty, full of happiness. You showed a light at night. Eyes filled blood, played a part. I said goodbye. Thank you.